est cette brune hyper sexy qui garde des armes dans cette ville? Est-ce qu'elle est de la police? Et sa peau est-elle lisse? Et pourquoi elle est tireuse d'élite au lieu de savoir manier ma... Pouvez-vous me dire qui est la belle? Ben moi je sais comment elle s'appelle. Rally Vincent. Elle adore les gros flingues. Rally Vincent. Mais elle a jamais vu le mien. Rally Vincent. Avec mes chasses à mafia. Rally Vincent. Elle bosse au Gunsmith 4. Gunsmith 4. Son père était tireur d'élite, mais il disparut un jour dans la nuit. Elle le revit à la mafia, elle devra l'affronter comme ça. Et son ennemi qu'un gros menton, elle s'en est fait un allié. Et son pote flic la coupe toujours quand Rally va en tôle pour des conneries. Rally Vincent, elle adore les gros flingues. Rally Vincent, mais elle a jamais vu le mien. Elle bosse au Gunsmith 4. Elle bosse au Gunsmith 4. Elle bosse où? Au Gunsmith 4. Années 70. En milieu mafieux, y'a une fille et sa copine. Rally et Minimay, grenade et 357. Recette mortelle de deux filles. Oh, elles vont sûrement sauver les USA pour notre avenir à tous. Mais si Rally nous sauve un jour, ça ne sera pas des Kaira. Rally Vincent, elle adore les gros flingues. Rally Vincent, mais elle a jamais vu le mien. Rally Vincent, avec mes chasse à mafia. Rally Vincent, elle bosse au Gunsmith 4. Elle bosse au Gunsmith 4. Elle bosse au Gunsmith 4. Elle bosse où? Bah je te l'ai déjà dit, crétin. Bêtis ni atashi ra no sei ja nai jan. Sou yo, Noi. Motoa to ieba, atashi tachi datte higaisha nano yo.